Au nom du père et du fils, j'ai vu la haine et le vice. Je pourrais pas changer la terre, mais je mets ma pierre à l'édifice. On tisse et on défait les liens, et des valeurs auxquelles je tiens. Je pense aux enfants du monde, et je pense aux enfants des miens. Y'a plusieurs toits, double face, yeah. On se parle plus trop, on se double tape. On survit pour le cash. Quand il se cache, on se fâche. Je veux pas que le temps me casse la figure. Je veux pas que le temps me fasse la piqûre. La vie tue et l'habitude parfois nous mène la vie dure. Viens, prends un sac, on se barre d'ici. Le monde nous oppresse. On se contentera du nécessaire d'amour et d'eau fraîche. Un peu de tendresse. Viens, on se barre, le temps presse. J'ai besoin de la clé pour refermer la plaie. Les meufs, c'est pas comme autrefois. Tes masques, elles nous laissent entrevoir. Attends, tu sais que des femmes sont mortes pour que tu prennes une autre voie. Non, franchement, c'est n'importe quoi. Parfois, ce monde me désole. La misère, le désordre. Chérie, viens, on s'en va loin des hommes. Je sais pas de quoi est fait demain. Je sais pas quoi faire de mes mains. Je sais pas quoi faire de mon bif. Mais fais gaffe où tu mets ton kiff. Une tasse de thé puis un zerg. Je vois la face cachée de l'iceberg. Décide d'être l'homme ou rétréci. Réveille-toi, réfléchis. Viens, prends un sac, on se barre d'ici. Le monde nous oppresse. On se contentera du nécessaire d'amour et d'eau fraîche. Un peu de tendresse. Viens, on se barre, le temps presse. J'ai besoin de la clé pour refermer la plaie. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, n'est pas rose, il est noir. Et dans le noir, j'allume un slip, c'est ma lueur d'espoir. C'est toujours la même histoire, j'inspire, j'oublie ce qui m'entoure. La vie ou la mort, c'est la même, c'est chacun son tour. Yeah. La vie, c'est des hauts et des bas, donc cherche son sens. Le paradis, paradis, serait la récompense. Yeah. Entre Dieu et le diable, le bien et le mal, les sourires et les larmes, l'amour et la haine. Le propre et le sale, on ne sait plus sur quel pied on danse. Ah, je rêve de m'envoler quand je ferme les yeux. Ici-bas, plus rien n'est merveilleux. À genoux devant, je regarde vers les yeux. J'ai le cafard. La vie c'est quoi? La vie c'est des choix. Entre les peines et les joies. Des chemins, des sentiers, des voies. Et même si au fond j'ai la foi, c'est de trop loin que je vois. Le ciel est beaucoup trop grand. Je tiens pas le futur entre mes doigts.